homme dans ta maison, Seigneur. Nous t'invitons de descendre et de nous parler, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les problèmes soient résolus. Que les pécheurs soient sauvés. Bénis chaque frère et chaque sœur. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur ce sujet dans sa présence. Ce n'est pas dans la présence d'un homme ou d'un prédicateur ou d'un évangéliste, dans la présence du Seigneur. Tu peux entrer en présence d'un homme. Tu es pécheur. Tu gardes tes péchés. Tu peux entrer en présence d'un homme. Tu es malade. Tu gardes ta maladie. Mais si jamais tu entres en sa présence, dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence, la maladie se change en guérison. Dans sa présence, le problème se change en solution. Dans sa présence, même les morts ressuscitent. Dans sa présence, même les aveugles recouvrent la vie. Alléluia. Amen. Ça c'est l'évangile du royaume. Dans sa présence, les pécheurs deviennent des croyants. Est-ce que vous êtes là? Ça j'aime. Dans sa présence, nous sommes en train de parler de ces gens qui se sont approchés de sa présence. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui se sont approchés de lui. Tu peux t'approcher des noms. Après, tu auras honte. Tu peux t'approcher des noms. Tu lui expliques ton problème. Mais lui aussi te parle de son problème. Parfois, son problème devient ça même plus grand que ton problème. J'avais beaucoup confiance en cet homme. Ça que mais voilà qui m'a aussi parlé de son problème. Je vois que moi, je n'ai même pas de problème. Mais il n'y a qu'un seul homme. Auprès de qui? Nous amenons nos problèmes en ayant confiance qu'on aura la solution. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Je commande. C'est lui. Quand vous allez auprès de lui, vous avez la solution à tous les problèmes. Même ce soir, si vous croyez que vous êtes en sa présence, si vous croyez qu'il est ici, si vous croyez cela, tu ne vas pas retourner avec ton problème. Tu ne vas pas retourner avec ta maladie. Ce n'est pas un Dieu. Un Dieu historique. Aina Mungu wa mwarishi hapana. Ni Mungu wa bia kweli. Si hier il a sauvé. Kama jana aliokoa. Aujourd'hui il sauve. Sema leo kuna okoa. Si hier il a pardonné. Kama jana alisamea. Aujourd'hui il pardonne. Leo kuna samea tena. Si hier il a guéri. Kama jana aliponya. Aujourd'hui il guérit. Leo tena kuna ponya. Parce qu'il est le même hier. Sababu yule mama jana. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Na milele. C'est le même Dieu qui nous a fait. Si tu crois même ce soir, l'impossible deviendra possible. Si tu crois ce soir, la maladie qui te fait souffrir chaque fois, tu parles même de une maladie. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta maladie. Ce qui t'appartient, c'est la bonne santé. La maladie ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu n'a jamais changé. Mungu abadilika. Il y avait une femme. Kwa mwanamke moya. Du temps de frère Branham. Mwakati ndugu Branham. Qui allait pour compris pour elle. Aranzenda juba mumbe. Oui. Elle était malade. Alikuwa mgonjwa. Maintenant son esprit. Sasa roho yake. Son cœur. Moyo wake. Lui a dit. Namwambia. En tout cas. Sasa. Elle-même elle dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Nyase Rome takatifu nyambia. Comme du temps de frère Branham. Mwakati ndugu Branham. On distribue des jetons. Manzo kabula majeton par numéro. Na kupitia ma numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 2, 3. Maintenant elle l'esprit lui a dit. Ye roi qui m'ambia. Que on va te donner la jeton numéro 3. Yese takupa numéro 3. C'est la jeton qu'on va te donner. Dieu va t'appartir. Maintenant ça, elle est partie. Aninda. Elle avait foi. Alikuwa na imani. Comme elle allait. Ça veut dire que le Saint-Esprit m'a confié. C'est Rome takatifu nyenye. Que j'aurai la jeton numéro 3. Ya kusema nitakuwa na jeton numéro 3. Mungu wetu. N'est pas comme le Dieu de Romain. Ana sa Mungu wa mazebu yanasema. Kama Mungu wa kusemezea. Il est capable de parler aux gens. Eko na uwezo ya kusemezea tena mtumishi wake. Oui. Dio. Elle était convaincue que Dieu m'a parlé. Maintenant vous comprenez, vous savez vous-même. Là où Frère Branham prêchait, le Seigneur confirmait ses messages avec sa présence et des miracles qui s'accomplissaient. Maintenant, il y avait la présence de Dieu. Pale kwa uwepo ya Mungu pale, na ule Mungu dada, na anafika pale. Arrivé là-bas. Fika pale. Billy Paul qui distribuait des jetons. Ulikuwa anakabla majetons. Par mégarde, il avait déjà mélangé les jetons. Kwa sababu changa majetons. Au lieu qu'elle ait la jeton numéro 3 comme elle prévoyait. Comme elle était déjà signifiée par l'esprit. Ça veut dire que jeton numéro 3. Mais Billy Paul lui a donné la jeton numéro 98. Mais Billy en empatia 98. La femme déjà elle doutait, elle dit bon, aujourd'hui on va prier pour moi. C'est l'obate nyombe. Parce que la ligne ici est longue. Sabu mustari kumlefu. Beaucoup de gens comme ça. Batu wa mingi hivi, ba kumbele yangu. Mais si c'est Dieu qui a parlé. Mais kama ni Mungu jo kutemezea. Mungu akusemezea. Mungu anakana pa mwenye haki. Dieu tient à sa parole. Anashika neno lake. Kama ni Mungu. C'est là où il faut voir si c'est Dieu. Jo pale faut qu'on arrive. On lui a donné jeton numéro 1. On pas dit jeton numéro 1. Maintenant la dame regrette. Ça se dada nanza kuzunika. C'est là mieux vous rentrer à la maison parce qu'on va pas prier pour moi. On va attribuer le numéro 98. Et pourtant les gens avaient dit que mita pata jeton numéro 3. Ça se namna kaimi. Il porte en pacha numéro 98. Ça se du branam. Quand il est entré. Wakati anaingia mchumba. Il dit que n'importe où il est entré. Wakati il est ingia. C'est comme s'il était un peu nerveux. Toi ça comme un shirika. Non, pas un shirika. Il était comme un homme nerveux là. Il est entré. Ça mutu wa makari. Maintenant il dit, anasema, le Saint-Esprit, Rome le même Saint-Esprit, il est Rome takatif, il avait pas la tête d'âme, le même Saint-Esprit, il est Rome takatif, sur Frère Branham, dit aujourd'hui les choses ne vont pas se passer comme chaque habita jour, abitikana, sa vila fangash, ki hot. Nous allons commencer par les numéros plus grands, na ile numéro ya kumkongo. Alléluia. Amen. Dans sa présence, Mwepiaki, il se passe de grandes Mwana choses. Bitu binene. Aujourd'hui, Mwana les choses ne vont pas se passer comme tous les jours. Shikote. Nous allons changer un peu les choses. Obitu. On va commencer Tutanzia par les numéros plus grands. Il dit, anasema. Maintenant il commence. Ananza. La dame se dit, oh. Dans on va commencer par les numéros plus grands. Batanzia, numéro là où elle était. Hein. Par la couille. Et notre femme dit, faut anasema. Numéro 100. Numéro 100 et quoi? Où est numéro 100? Numéro 5 quoi? Elle lui a donné 98. Il va en patcher 98. Où est numéro 100? Là c'est numéro 5 quoi? Comment on appelle numéro 100? Comment on appelle numéro 100? Il prie. Ana Mumbea. Et puis? Kisha. Il dit 99. Mumbea 99. Où est 99? 99 et quoi? Numéro 99. 99 en Shimama. Où est 98? 98 et quoi? Pas numéro 3. Et c'est quoi numéro 3 par Mumbea? Dans sa présence, yake, les choses changent. Bitu bina badirikaka. Dans sa présence, yake, il se passe des miracles. Il y avait une autre femme. Elle avait des jambes recourbées. Elle kwa kama mikulu ya kupengama kidoko. Elle a quitté la maison. Anatoa unyumba. L'esprit lui a dit, roho inamwambia, mie, je vais compris pour moi. Minapenda wa nyumbe. Elle avait, anakuya, avait conduit. Elle avait la foi. Elle connaît Iman. Quand quelqu'un a la foi, kama mutu na imani, il n'a pas besoin que quelqu'un lui parle. Ashitaji mutu il n'a pas besoin qu'on ajoute. Ashipenda ki batu wako engeze. Kile Mungu acha kusema. Si pour mettre sa foi. Kinenea njia kwa ka imani. Wakati Mungu anacha sema. Croyez sur ce que Dieu. Amen. Yule bila Mungu acha kusema. Tenda kufuatana bila Mungu acha kuambia sababu neno la Mungu. Ayo ayangukake. Batu bote wanaweza kupita. Baubiri watapita. Neno la Mungu. Ne faillira jamais. Ça c'est l'évangile du royaume. Il au fal. Cette femme est allée avec la foi, les jambes recourbées. Frère, quand elle est arrivée, la présence du Seigneur avait déjà la pire à ça. Bien aimé, elle allait pour compris pour elle. À la réunion de Frère Branham. À la réunion de Frère Branham. Maintenant, je crois qu'il y a au milieu de la route peut-être. Elle avait rencontré quelqu'un. Elle a demandé. Ambia. Tu vas où? Dis-moi, je vais à la réunion. Je veux compris pour moi. Tu veux compris pour toi? Par qui? Kwanani. Il dit par Frère Branham. C'est la personne l'a découragé. La foi ne connaît pas de découragement. La foi persévère. Cette dame a persisté. Elle portait pas les chaussures. Elle a acheté même les chaussures. Elle a mis dans son sac. C'était pas son église. Elle a acheté même les chaussures. Elle a mis dans son Aneka sac. Maintenant, regardez. Ça, c'est mon gars. En route. Mungia. Elle pouvait connaître tout ce qu'il y avait comme obstacle. Mais arriver maintenant devant. Là où la présence de Dieu était remplie. Allez, Moussani, comme quoi. Son serviteur était là. Bien aimé. Bien arrivé là-bas. On priait pour les gens. Mais quand elle est venue. Elle est venue avec la foi. Elle est déterminée. Dans sa présence. Il faut y venir avec foi. Dans sa présence, il faut y venir avec détermination. Elle est venue déterminée. Elle s'est dit, moi j'aurai ce que je cherche. Arrivez là, Branham, priez pour les malades. Priez pour les malades. Mais arrivez à son tour. C'est Branham, le regard. La présence du Seigneur descend. C'est Branham dit, ainsi par l'Éternel, femme. Voilà, voilà, il fallait maintenant la foi en action. Les pieds étaient toujours recouverts. Mais dans sa présence, il y a des choses qui se passent. Frère Branham dit, ainsi par l'Éternel, porte tes chaussures. Oui, il ne connaissait même pas qu'il avait des chaussures. Mais l'insu du Seigneur de Dieu. Femme, prends tes chaussures. Porte tes chaussures. Voilà. Frère, Duku. La dame, comme elle avait la foi et la détermination, elle n'a pas regardé aux gens qui la regardaient. Elle n'a pas regardé aux autres. Elle a regardé celui qui parlait. C'était le Seigneur Afro-Banan. Il dit, porte tes chaussures. Elle a sorti une pièce de chaussures. Elle a avancé ça. Les pieds sont recourbés. Elle a avancé ça. Arrivé là-bas, les pieds sont ouverts à la porte de la chaussure. Elle a pris l'autre. Arrivé là-bas, elle a porté la chaussure. Pourquoi Dieu a nini. Elle était dans sa présence. Dans sa présence, les choses changent. La maladie se change en guérison. Les problèmes se changent en solution. Regardez cette femme de Marc. Qui perdait le sang pendant 12 ans. Frère, mourir ne meurt pas. Imaginez-vous quand quelqu'un perd le sang. Normalement, elle peut mourir. Même une semaine, tu vas mourir. Mais celle-ci, pendant 12 ans, elle ne meurt pas. Mourir, elle ne meurt pas. Guérir, elle ne guérit pas. Il y a des choses qui arrivent pour la gloire du Seigneur. Elle ne meurt pas. Elle ne guérit pas. 12 ans, elle a dépensé beaucoup d'argent. Entre les mains des médecins, les médecins ont des limites. Celui qui est illimité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Quand elle apprend qu'il y a un spécialiste là-bas, elle va donner son argent. Elle dépense l'argent. Quand elle apprend qu'il y a un spécialiste là-bas, elle va donner l'argent. Mais tout ça, mais il est elle n'a pas recouvert la guérison. Maintenant, un jour, elle attend. Elle apprend l'homme de Jésus qui guérit les malades, qui sauve les pécheurs, qui délivre les démons. Elle a dit non. Hapa, moi, je ne veux pas que cet homme prie pour moi. Ma foi me dit que j'ai tous ces masques au bord de ses vêtements. Je sais que je sais qu'il a la puissance. Même dans ses habits, il y a la puissance. Si je touche ces matières, je serai guéri. Bien aimé, cette femme, elle est partie. Elle a réuni tout le courage. Au milieu de la route, je crois qu'elle a trouvé son ami. Peut-être de lui expliquer. Oh mon ami, voilà où je pars. Je vais seulement toucher son vêtement. Et l'ami lui a dit, dada. Couchant qu'on a vu la guérison juste à l'habit de quelqu'un. Ça ne l'a pas arrêté. Il est accouché. Elle continue. Parce qu'elle voulait avoir ce qu'elle cherchait. La foi trouve toujours ce qu'elle cherche. Elle a avancé. Maintenant arrivé. Là où il y avait Jésus. Dans sa présence. Il y avait des filles. Il y avait des garçons. Il y avait des enfants. Il y avait des papas. Il y avait des mamans. Frère, c'était impossible. Comme elle était une femme. D'accéder là-bas. Pour arriver à les toucher. Et regarde, c'était un obstacle. Qu'est-ce que je peux faire? Elle s'est dit, Anasema, je vais me frayer une voie. Minteri pasuria njia. Mon frère, même ce soir, atai mangaribi, tu peux te frayer une voie. Unaisi na kuipasuria balabala. Oh, si frère, avec ta maladie, na magonjo tu peux te frayer une voie. Unaisi njia. Oui. Dio. Elle s'est dit, Anasema, je vais me frayer un chemin. Apa ifoni pasuria balabala. Elle a bousculé les gens. Kusukuma kubatu. Pour arriver au milieu là où était Jésus. Juu afike mkati frère, kwa elle a bousculé les gens. Anatengesa wa uku. Quand elle est arrivée là où il y avait Jésus. Elle a touché ses mains son bord de vêtements. Jésus a bougé. Yesu anatenka. Il a dit, Anasema, quelqu'un m'a touché. Bien aimé, Mwapendo, dans sa présence, yake, il faut le toucher. Inafaya kumugusa. Frère, Duku. Quelqu'un m'a touché. Anasema, Yesu mutu maintenant, sasa, Pierre, Pietro, qui était un peu à l'autre, kwa kwa kusema, il dit, ah, Anasema, ici nous avons des garçons. Apa, tukuna ba nous avons des filles. Tukuna ba nous avons des enfants qui nous touchent. Mais pourquoi tu nous dis quelqu'un t'a touché? Tout le monde l'est touché. Si tu vois, mais c'était différent. Mais il quoi, cette femme ure l'a touché avec la foi. Na imani. Frère, Duku. Même toi, ata wei. Ne regarde pas au nombre apana des gens. Tout le monde vient à la prière. Bantu wote kwa maombi. Mais c'est la prière de la foi. Maombi ya imani. Tu vas toucher les pieds. Frère, Duku. Cette femme est venue avec la foi. Na imani, quand elle a touché, wakati anamugusa, Jésus a bougé. Yesu anatenka, anasema mutu anenibamba. Maintenant, sasa, Seigneur, Bwana, si beaucoup de gens te touchent, batu wote akubunka bunka, so, tase mutu akumamba je. Il dit, quand c'est quelqu'un m'a touché. Ase ule mutu anenibamba. J'ai senti qu'une force. Minashikia unguvu mwa. Uwezo mwa ntoka. La femme se présente. Mwanamke anashimama na sema. Il explique au Seigneur. Anamfasilia Bwana. Quand je venais. C'est pas minaza kuja. J'avais la foi. Nilikuwa na imani. Si je te touche. Nasema kama nakubamba tu. Ma maladie va. Ni magonjwa yangu tashimama. Et le Seigneur dit. Na Bwana anasema. Ma fille. Bitu wangu. Ta foi ta guéri. Imani yako nakutunza. Et au même instant. Na mule wakati wa moya. La perte de sang s'est arrêtée. Inashimama kutoka. Dans sa présence. Mwepi yake. Même la perte de sang s'arrête. Kutoka kwa damu kuna shimama. Dans sa présence. Mwepi yake. Même le goût du péché s'arrête. Ata harufu wala ya zambi wala amu ya zambi na shimama. Le goût du péché s'arrête. Amu ya zambi na shimama. Eh. Na. Cette femme. Ule mwanamke. Est sortie de sa présence. Anatoka mwepi yake. Guéri de son mal. Magonjwa yake. Kula kwa sha famia ka 12. Jua nini? Parce qu'elle était dans sa présence. Sababu alifika mopi yake. Dans sa présence. Mwepu yake. Les choses bitu binabadilikaka. La maladie se change. Magonjwa inabadilika matunzo. Dans sa présence. Mwepu yake. Le problème se change en solution. Pataka jibu. Regardez. Cette femme. Mwanamke. Samaritaine. Qui venait? Ulanza kule. Était au puits. Jésus était fatigué du voyage. Dans Jean chapitre 4. Jésus fatigué du voyage. Il arrive au puits de Jacob. Anafika kule kimo shima Jacob. Il demande à la femme. Anombo mwanamke. Femme. Mwanamke. Donne-moi à boire. Et tu es pas au mai. La femme dit. Mwanamke asema. Toi, tu es pharisien. Moi, je suis samaritain. Nous, les samaritains. Et vous, les pharisiens. Namo, pharisien. On n'a pas de relation. Pourquoi tu viens me demander de l'eau? Jésus regarde la femme. Il dit, toi, femme, si tu connaissais, kama en présence de qui tu es, et qui est celui qui te demande de l'eau? Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau? Ce n'est pas moi qui t'aurais demandé de l'eau, mais c'est toi. Lakini weye, puisque l'eau que je te donnerai, ce sera de l'eau vive. Itawa ni mai ya uzima. Ah, mwanamke asema no. Toi tu n'as rien pour bouger. Hauna na kitu hata kishoto kama mai. Kishi maana kio kilefu. Tu veux dire? Sasa fosse ni. Que tu es plus grand que notre père. Wewe unamshindia baba yetu Yakobo. Ya ula kimla kishi na alikunyam. Le Seigneur dit. Bwana mwambia. C'est tout. Imai. Tout celui qui boit de cette eau. Ula takunya kuimai. Il aura encore soif. Atakupata hakimu. Mais l'eau que je te donnerai. Lakini ile mai mimi nitakupatia. Ça sera ça va couler en toi comme une source d'eau vive. Ndani yako sawa chemchemu ya uzima. La femme dit en bon. Donc tu as dit non pareil. C'est ma ou na maya ville. Alors donne-moi des étoiles. Ça pas que je ne vienne plus puiser. Soudi chkwete kushota mai. Jésus change de. Yesu anabadilisha masema. Il dit fort. C'est bon amuki. Va. Wendi. Appelle-moi ton mari. Ulitie bwana yako. La femme dit. Mwangi asema. Même toi tu peux m'épouser. Hata ushwezu nyo hakuna mambo. Je suis libre. Niko huru. Je n'ai pas de mari. Sina na bwana. Même toi. Na wewe. Tu peux profiter. Unaweza kunyoa. Mais Jésus change de Dieu. Yesu anabadilisha tabia. Il dit oui. Mandio. À ce que tu as dit. Tu as dit frère. Tu as en as 5. Ulikuwa na batano. Même celui que tu aimes là. Ata unyoko na n'est pas ton mari. Ana bwana yako. En cela. Tu as bien dit. C'est la vérité. La femme, c'est toi. Mwanamke ashanga. Il dit ansema oh. Je vois que tu es un prophète. Unasema unabii. Est-ce que l'église de vous êtes là? Kanisa Mungu mukupani. Et cette femme? Na ule mwanamke. A pris la criche. Alibe la criche yake. Celui qui entre à sa présence. Ule anaingia mwopu yake. Il arrêtera même son travail. Atashimamisha hata kazi yake. Il arrêtera même son commerce. Atashimamisha hata biashara yake. Pour venir à sa présence. Kuya mwopu yake. Cette femme a jeté la criche. Aliacha pale mtungi yake. Elle a couru dans la ville. Ananja mbio muji. Pour rendre témoignage. Na kwenda kushuhudia. Bien aimé frères et sœurs. Aujourd'hui. Leo. Les frères. Wanduku. Les sœurs. Wadada. N'ont pas le temps de témoigner de Jésus-Christ. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore entrés en sa présence. Tout celui qui entre en sa présence, il aura un témoignage à rendre. Même à ses voisins, même dans son quartier, il rendra témoignage. Même au travail, il rendra témoignage. Même partout, même en cours de route, même dans sa voiture, il rendra témoignage. Puisqu'il a rencontré Jésus. Cette femme. Il est parti dans la ville. Il commence à rendre témoignage. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Qui a parlé toute ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Bien aimé. Les gens ont couru. Les gens de la ville. En écoutant les témoignages de la femme. Ils ont couru. Ils sont arrivés là où il y avait Jésus. Jésus continue à prêcher, continue à parler. Les gens sont entrés à sa présence. Ils ont écouté la prédication. Ce jour-là, ce n'était pas que vous qui prêchez, ce n'était pas un autre prédicateur, c'était le Seigneur lui-même. Et vous savez vous-même que celui qui voit Frère Branham, il voit un homme. Celui qui voit Paul, il voit un homme. Celui qui voit Frère Franck, il a vu un homme. Mais celui qui voit Jésus, il voit Dieu lui-même. Ce jour-là, c'était Dieu lui-même qui parlait. Il a prêché. Et tous ceux qui ont quitté la ville, ils sont venus écouter. Ils ont écouté. Ils ont écouté. Ils ont cru à la prédication. Maintenant, et aussi, comme ils étaient dans sa présence, ils ont rendu leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils commencèrent à s'adresser à la femme. Ils ont dit, femme, si nous croyons, ce n'est pas parce que tu es venu nous appeler, ce n'est pas parce que tu as témoigné, mais nous-mêmes, nous sommes venus en sa présence. Nous l'avons écouté et nous avons compris qu'il est le Messie. Nous croyons, nous avons vu de nous-mêmes, nous l'avons écouté de nous-mêmes, nous croyons. Que c'est vrai, c'est le Messie. Pourquoi ils étaient en sa présence? Dans sa présence, tout celui qui les rencontre, en lui, il y aura un témoignage. Si tu manques un témoignage, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Tout homme qui rencontre Jésus en sa présence, il aura un témoignage à rendre. Bien aimé, frères et sœurs, si tu les rencontres, il y aura toujours un témoignage à rendre. Et c'est Jésus-là, n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a guéri cette femme de son mal, il est encore capable, même aujourd'hui, de te guérir de ta maladie, de résoudre ton problème, telle que soit la grandeur du problème. Il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça dépend de ta foi. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, frères et sœurs, tout celui qui s'approche de Dieu en sa présence, dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence, la maladie devient guérison. Le problème devient solution. Ça dépend de ta foi. Si tu crois, tu vas voir l'accomplissement de la chose. Maintenant, regardez. Nous allons prendre un autre témoin. Un autre témoignage. C'est Esaïe. Esaïe. Lui. Yei. Il était. Il vivait avec le prophète Ozias. À quoi l'aïche on a dit Ozias? Ozias. Ozias. Est devenu roi. À la Komfal. À l'âge de 16 ans. Ou Miaka Ambri Kuminasita. Mais. Lakin. Quand il est accédé au trône, il a succédé à son père Amathia. Il a succédé son père Amathia. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Mais un roi qui craignait Dieu. Il marchait dans les voies du Seigneur. Il était un bon messie. Il aimait les gens. Il ne voulait pas faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Isaïe l'a aimé. Isaïe mpen. Et le roi a aimé aussi Isaïe. Enfin, mais mpen da Isaïe. Isaïe s'est reposé sur le roi. Isaïe a rendu la musique à l'homme. Il aimait beaucoup rester avec lui. Il aimait rester chez le roi. Et le roi a aimé Isaïe. Enfin, mais parce qu'il bénéficiait des visions d'Isaïe. A rendu la comme il était prophète. Ça veut dire quoi, Nabi? Et Isaïe aussi. Isaïe bénéficiait des biens que possédait le roi. Nabi le bitu quoi, l'homme. Ça c'est mon gari. Le roi est mort. C'est ce que nous allons lire maintenant. Esaïe parle. Esaïe ensemble. Que dans Esaïe 6. Esaïe. Prenons cela. Bébé. Si on peut aller dans le bas rapidement. Esaïe chapitre 6. Esaïe 6. Le roi est mort. Parle maintenant il parle. Comme il était beaucoup appuyé sur le roi. Et il bénéficiait de ce que le roi lui donnait. Le roi aussi bénéficiait des visions d'Esaïe. Le roi était devenu comme son appui. Maintenant, quand le roi est mort, maintenant Esaïe a compris, c'était une leçon pour lui. Il a compris que c'est Dieu qui ordonne ses serviteurs. Qu'il ne faut pas s'appuyer sur un homme. Mais il faut s'appuyer sur le Seigneur lui-même. C'est là que Esaïe a commencé à chercher la face du Seigneur. Il est rentré au temple. Il priait. Il cherchait la face de Dieu. C'est ce qu'il nous écrit maintenant. Je voulais juste vous donner une petite idée sur ça. Maintenant, ce qu'il écrit au verset 1, il dit, à l'année de la mort du roi Ozias, c'était à cette même année-là que le roi est mort. Comme il s'appuyait sur le roi. Maintenant le roi est décédé. À cette même année-là de la mort du roi Ozias. Esaïe était au temple. Il priait. Il cherchait la face de Dieu. Maintenant là où il priait, il dit, à cette même année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe. Esaïe n'a pas vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples et des séraphins. C'est un rang d'ange le plus élevé aussi. Des séraphins. C'est un au-dessus de lui. Dans sa vision, il est dit, ils avaient chacun six ailes. Six. Sita. Des dons, ils se couvraient la face. Dans sa présence. Esaïe entre en sa présence. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il voit que le pan de sa robe remplissait le temple. Et il y avait des séraphins qui s'étaient au-dessus de lui. Chacun avait six ailes. Ils avaient deux ailes. Donc il couvrait la face. Frère Branham dit c'était un signe de révérence dans sa présence. Il ne voulait même pas les regarder. C'était un signe du respect et de révérence. Bien aimé, frères et sœurs, dans sa présence, on doit s'approcher avec du respect. Frère Branham, dans sa prédication, le respect, il dit, Dieu, parce qu'il est Dieu, il mérite du respect. Aujourd'hui, frère, nous avons un problème. Beaucoup de frères respectent leur chef au travail. Quand ils veulent s'adresser à leur chef au travail, même les demandes d'emploi, quand ils écrivent, ça fait beaucoup de respect. Mais quand ils parlent au Seigneur, parfois, il parle des paroles qui n'ont pas du respect. Mais quand il parle à son chef, au boulot, regardez comment les gens écrivent des demandes d'emploi. Il commence bien. À monsieur le directeur, quoi, monsieur le directeur des ressources humaines, ouah, ressources humaines. Mais il commence. Anan, il dit, je viens minakouya, par la présente quoi, auprès de votre haut personnalité. auprès de votre personnalité. Il commence à louer d'abord son chef. Il commence à jouer le chef de ressources. Il dit auprès de votre personnalité. Solliciter une place vacante au sein de l'entreprise. Dont la responsabilité vous est confiée. Il monte sa grandeur. Mais quand tu parles au Seigneur, est-ce que tu lui présentes le même respect? Il est chima mon amour, au chef au boulot. Chef mkazi, tu lui parles avec beaucoup de respect. Quand tu écris ta demande, mais avec beaucoup de respect. Mais frère Banam dit, Dieu, parce qu'il est Dieu, il mérite du respect. Et ce respect, même dans l'église, dans sa présence, nous devons nous témoigner du respect les uns des autres. C'est ça la parole de Dieu. Ça c'est l'évangile du royaume. Ça c'est la vérité. Voyez, quand vous venez en sa présence, avec du respect, frère, Duku, tu verras la main du Seigneur. Il y a même des frères, quand ils viennent dans l'église, ils veulent montrer combien il est important. Ils veulent montrer combien il est directeur. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de chef. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de rang social. Lui, il fait même dans l'église. Tu veux montrer combien il est important? Non. Humilie-toi. Dans sa présence, il faut s'abaisser. Bien-aimé, dans sa prédication, être conduit, il donne l'exemple d'une femme qui était estropiée. Voyez autant de frères Banam, on donnait des gens des jetons pour rester en ligne. On lui a donné sa jeton. Elle était en ligne. Frère, elle voit une femme qui souffrait du cœur. Tellement malade, souffrant. Cette femme, par respect, elle a cédé sa place pour la maman qui souffrait du cœur. Elle a quitté la ligne qu'elle est occupée déjà avec son jeton. Mais pour cette maman, elle dit non, maman, toi prends ma place. À cause seulement de ce respect-là, le Saint-Esprit est descendu et lui a accordé la guérison sur place. Pourquoi? Parce qu'il avait témoigné du respect en sa présence. Dans sa présence, il faut du respect. Bien-aimé, ici Esaïe, il a vu ce qui couvrait les yeux en signe du respect, de la révérence. La révérence, c'est un respect au-dessus. Élevé. En signe du respect. Aidez donc. Nambiri. Il se couvrait les pieds. Il est balancé figure dans mes coulous. Frère Banam dit c'est en signe d'humilité en sa présence. Nyalama yonyeke vous donnez au puyaki. On doit s'approcher de Dieu en tu sa présence. Tu n'as pas Mungu mon puyaki. Du respect. Na eshima. De la révérence. Na eshima ajou. Et de l'humilité. Na unyeke vous. Aidez donc. Il se servait pour voler. Cela signifiait le travail. Les deux autres qui les aidaient à travailler. Oui. Il criait. Malgré le couvrir la face. Et il couvrait les pieds. Il criait. L'un à l'autre. Il disait. Saint. Et l'Éternel des armées. Il dit toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, mes frères, normalement ici, on devait entendre un grand amen. Parce que réellement, si vous regardez même les documentaires, vous regardez la mer, on vous parle de la profondeur de la mer, on vous parle de la grandeur, vous regardez les animaux de tout genre, vous allez vous rendre compte que toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Frère. Si vous regardez même les humains, il y a les gens qui ont un peu jaune, noir, tout ça, ça montre seulement la gloire du Seigneur. Toute la terre est pleine de sa gloire. Maintenant, il dit, et c'est dans cette vision qu'il voyait, il dit, et les portes furent ébranlées dans leur fondement. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison na nyumba se rempli de fumée. Il y a na shimoku. Alors Esaïe dans sa présence. Un prophète majeur. Il a écrit 66 livres. Mais quand il revient dans sa présence, il crie, il dit, « Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies, oh, dont les lèvres sont impies. » Tu ne lis pas? Apparemment, tu ne lis pas. Il faut lire. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, dans sa présence. Esaïe, qui était un prophète majeur, un homme de Dieu, il est né pour être prophète. Mais il s'est reconnu pécheur. Il s'est humilié. Bien aimé. Tu peux être en présence des frères. Tu te sens quelque chose. Tu entres en sa présence. Tu te reconnaîtras toujours pécheur. Tous ceux qui entrent en sa présence, quelle que soit leur sainteté, quelle que soit leur bienfait, si jamais tu entres en sa présence, tu te retrouveras pécheur. Alléluia. Amen. Regardez Pierre. Lui aussi. Il est entré dans sa présence. Pierre. Petru. Était marié. Est-ce que vous êtes là? Il était marié. Il avait des enfants. Il avait une femme. Il avait la famille. Et sa vie dépendait de la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il est entré dans la pêche. Il dépendait de la pêche. Il est entré dans la pêche. Il dépendait de tout. Je m'imagine. Je m'imagine. Qu'un jour, assis chez lui, on toque. On dit, beaucoup grand frère, donnez-moi un peu d'argent. Que j'aille terminer un peu le problème à la maison. Ça va. Demain, je vais à la pêche. Si je rentre, je vais te donner. Un créancier. Ah, mon argent. Il n'y a pas de problème. Attendez. Demain, je vais à la pêche. Le lendemain, je vais t'amener l'argent. Les enfants viennent. Papa, nous n'avons pas de cahier. Attendez, je vais à la pêche. Demain, le lendemain, je vais vous amener l'argent. Frère, la femme vient, il n'y a pas à manger. Pierre dit, ça va, il n'y a pas de problème. Je vais à la pêche. Le lendemain, je vais vous amener l'argent. Pierre est allé à la pêche. Arrivé là-bas, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien toute la nuit. Il a essayé par ses efforts. Ça n'a rien à voir. Pendo. Petro. A tout essayé la nuit. Aritma biote bushiku. Na kwe kitu. Je vais poser la question. Et le lendemain, il va rentrer à la maison. Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Les enfants qui attendaient, il y a les créanciers qui attendaient, il y a les petits frères qui attendaient. Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Mais le matin, il voit quelqu'un venir. Il arrive. Anafika. Un homme qui était calme. Il arrive là où il y avait Pierre. Il dit, Pierre, fais-moi ta barque. Que je puisse prêcher d'abord. C'était toi ou moi. Je sais que c'est toi le sorcier de toute la nuit. Parce que j'ai essayé par mes efforts. C'est toi le sorcier. Mais Pierre n'était pas comme ça. Il était un homme respecté. Il a dit, ça va. Prenez place. Jésus a monté sur la barque. Jésus a monté sur la barque. Les gens étaient au rivage. Et lui, il prêchait. Il annonçait les oracles. Maintenant, quand il termine, au lieu qu'il parte, il dit, maintenant, prenez vos filets, mettez-les là-bas. Frère, donc, si c'était moi, j'ai dit, tu as déjà fait, d'abord tu m'as pris ton temps, mon temps, tu as fini, dès que tu es venu, prends la route, tu pars. Petro a choqué ville. Il a dit, Seigneur, j'ai tout fait pendant la nuit. Tous mes efforts humains, toutes mes capacités, mon expertise, j'ai fait ça, sans résultat. Mais la kini choupa tata samaki. Dans ta présence, sur ta parole, je vais mettre le filet. Tu as tout pas maquillé. Bien aimé, Pierre a pris le filet. Et tu avais maquillé. Frère, ce jour-là, c'était le jour de la visitation de Pierre. Il est aussi entré en sa présence. Il a jeté son filet. Bien aimé, il y avait des poissons qui étaient partis à l'Ikasi. Il y avait des poissons qui étaient partis. Je ne sais pas, Kakanda. Dans la mer. Quand ils ont écouté la voix du Créateur, qui a parlé à Pierre, il dit Pierre, prends ton filet, jette là-bas. Les poissons qui étaient à l'Ikasi, ils ont commencé à quitter l'Ikasi pour venir dans le filet de Pierre, pour venir dans sa présence. Parce que Jésus était là, c'était dans sa présence. Les poissons quittaient l'Ikasi et ils bravaient tous les villages. Arrivé à un village, à Kampemba, un pêcheur a pris son hameçon. Il a jeté. Les poissons ont dit non, non, je viens dans sa présence. Alléluia! Amen. Si la bénédiction t'est destinée, telle que les gens feront, ce que tu as déjà dit, arrivera. Frère, le poisson a dit non, je viens à sa présence. Apana, le poisson qui dit Kakanda, et lui aussi venait, arrivé à Moussa, on a jeté, il a dit non, non, ce n'est pas ici. Il est dans la présence de Dieu. Samaki en a nagé, arrivé seulement dans ce que Pierre avait mis là-bas. Il a filet de Pierre, dans sa présence, les poissons sont venus le prendre. Et les poissons sont entrés. Samaki n'engia makila. Maintenant, kamakila kanayala. Le filet était rempli. Baraka ya Mungu. La bénédiction de Dieu. Tu frère. Ne peux jamais manger seul. Duku. Là où il y avait Pierre. Parle par quoi Petro. Il a essayé de toucher à la bénédiction de Dieu pour se lever. Si frère. Dieu veut te bénir, Duku, même tes ennemis, ils vont participer à la bénédiction de Dieu. Frère. Il va t'achirir. Il a touché. Il a essayé de soulever. Tu ne vas pas soulever, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu pèse. Il a voulu essayer. Il a essayé de tirer. Il a essayé de bouger. Il a échoué de soulever seul. Il a appelé ses amis. Les voisins, venez m'aider. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Venez. Et ses amis sont venus. Ils ont tiré le filet. Maintenant, quand vous avez des maquettes, les maquettes sont remplies. La bénédiction de Dieu va surabonder dans ta maison. Alléluia. Amen. Dans sa présence. Pierre, quand il a vu ça, Pierre, un homme, Moutou. Quand il a vu ça, il s'est abaissé. Anashuka. Anaunga mumai. Il s'est mis à genoux. Anasema. Il a dit, Seigneur, Bwana, je suis un homme péché. Pourquoi Dieu a nini, il était dans sa présence. Dans sa présence, il connaît toujours péché. Tu ne karamu, jitambua pa. Alléluia. Amen. Dans sa présence, on se reconnaît toujours coupable. Regardez les enfants d'Israël. Regarde toi, Israël. Ils étaient avec Moïse. Mariko na Moussa. Ils appliquaient la loi. Ils observaient les commandements. Mais un jour, les dieux saints, les dieux trois fois saints, ils ont demandé, appelez-moi tout Israël. Je vais leur parler. Mais qu'ils se sanctifient d'abord. Bien aimé, ils ont observé les jours. Ils se sont sanctifiés. Ils ont observé les jours. Ils ont fait les saints sanctifiés. Quand ils sont arrivés dans sa présence, bien aimés, leur sainteté, leur sanctification, ne signifie rien. Quand le Seigneur a commencé à parler au Mont Sinaï, frère, il donnait à Moïse des commandements, tout des grondements, des tonnerres. Il dit, tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Il y avait des grondements, des tonnerres. Frère, tu ne tueras point. Ni ma kelele qu'on a fait qu'il parle. Le Seigneur a fait une défense solennelle. Il a donné une défense solennelle. Il dit à tous les enfants d'Israël de ne pas s'approcher de la montagne de Père qui ne meurt. Ils étaient saints. Ils étaient sanctifiés. Mais dans sa présence, quand ils sont entrés à sa présence, ils se sont reconnus des pécheurs. Ils ont dit que Moïse nous parle et non l'Éternel de Père qui ne mourions. Ils étaient sanctifiés. Mais dans sa présence, leur sainteté ne signifiait rien. reconnaît toujours coupable. Bien aimé frères et sœurs, regardez Moïse, qui était un homme né pour être prophète depuis le sein de sa mère. Il était né pour cette vie-là. Il est né pour ça. Il est né pour être prophète. Pour être libérateur. Il a marché. Il voulait faire ça du point de vue intellectuel. Il était un homme bien formé. Il voulait faire des tactiques. Il voulait faire ça du point de vue intellectuel. Regardez. Ce jour-là, il est chic. Quand il gardait le troupeau de son beau-père Jethro, le Seigneur est apparu. Dans une flamme de feu. Il lui a appelé. Moïse regarde. Moussa Angari. Dans ses études. Moussa Angari dans sa connaissance. Moufoua, il s'est dit non. Ah, c'est ma panne. Ça. I. Le feu. Moto. Qui brille. You know, mais les arbres ne brûlent mais pas. Mais non. Quand il voulait se détourner pour voir. Il a entendu une voix. Ah, ça, tu Moïse. Dieu l'a appelé en sa présence. Moïse. Moïse. Moussa. Ôte tes souliers de tes pieds. Les lieux sur laquelle tu es. Il fasse du coup. C'est une terre sainte. Il fasse ta ratif. Tu vas me dire que la montagne est sainte. Ou te gambier à ça. Eh, tu ne peux pas avoir ta ratif ou pas. Ce n'était pas la montagne qui était sainte. Aïe, quoi, ta ratif. C'est le Dieu saint. Il quoi, ni mungum ta ratif pas moulima. Tu as rifagné les fâches, n'a quoi ta ratif. Eh, tu me commandes pas. Il n'y a pas une église sainte. Aïe, quoi, Kalisa ta ratif. C'est le Dieu saint dans l'église. Mungum ta ratif dans l'église. Tu as l'état de la ratif. Il n'y a pas un frère saint. C'est le Dieu saint dans les frères. Mungum ta ratif dans l'église. Il n'y a pas une sœur sainte. C'est le Dieu saint. Dans la sainte. Il y a la sainte. Et le Seigneur a dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Moïse Moussa est tombé la face contre terre. Le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse, Moussa, cet homme qui était né pour être prophète, Dieu a quoi na vie, Dieu comme combose. Mais quand il est entré en sa présence, la Bible dit, il est tombé la face contre terre. Pourquoi? Dieu a nini? Parce qu'il ça va aranza Congo pas mon gars mon allez Dieu que c'est ma comme opiaki et dans sa présence malgré qu'il était né pour la vie de la terre mais il s'est reconnu mais la qui arrive à s'en tenir s'est reconnu coupable arrive à s'en tenir mambo frère Nuku. Moïse Moussa le Seigneur a dit bon ansem faut parler à Pharaon Wendo kambi Pharaon Moïse Moussa cet homme ou le mutu qui est né prophète Isaïe quoi Jacob Nabi il est né pour ce but là Isaïe quoi Jacob il est fusillé au Jacob mais dans sa présence même opiaki il est tombé la face contre alors quand qui bouleki il est au famille de Kwanai. Il est ma tactique de Kwanai. Pourquoi? Juanine. Il était dans sa présence. Ça va comme au Piak. Bien aimé, frères et sœurs. Regardez. Angari. Cet homme. Sol de Tars. Vous êtes dans Acte 9. Il parle lui-même Paul. Il est mis en Paul. Paul est mis en c'était un érudit. À quoi érudit? C'était un connaisseur. À quoi chaque jour? Il connaissait toutes les tactiques. À quoi chaque jour? Il connaissait les aboutissants. À quoi chaque jour? Matena, aboutissant. Oui, c'était un homme qui connaissait les tactiques. Il n'était pas n'importe qui. À quoi c'était un homme qui a grandi sous les pieds de Gamaliel. Il a recommandé tout le Gamaliel. La Gamaliel, à quoi il est formé? Paul. Lui-même affirme avoir connu Dieu depuis son enfance. Il y a des gens qui appellent Paul qui était païen. Non, il n'était pas païen. Il connaissait Dieu depuis son enfance. À quoi chaque jour? Mungu tanya petit bois. Loi. Paul connaissait la Torah. Chérie, à quoi chaque jour? Torah. Et il est pratiqué. Nazar, tu m'as dit Torah, Coran. Kamaanza kubatu yaanza kubaua ni mujina ya Bwana sababu anza kuheshimia sheria ya Qur'an alikuwa anajua alikuwa mtu anajua sana mtu la kwanza mfunda Mungu tangia mtoto na lakini alianza kuwazia sema atumikia Mungu mkuu abatu huyu mtu sol donc tu es même celui qui pratique le mauvais baraza kutumia il est arrivé sur le chemin de Damas mais wakati afika mjia Damas pour la connaissance qu'il a fait il est ufamu yote alikuwa nayo il est ukuu tu as connaissance matatiko atakuwa nayo toute cette connaissance de toi femme yote atorant, il a fait. Nayo, il voit une lumière. Moya, il entend. Dans cette lumière là-bas. Il voit. Sol. Saulo. Il connaissait la loi. Sa il connaissait la Torah. Il a vu que ce n'était pas un homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ça, ça doit être le Seigneur. Il, a pas il dit qui est-il, Seigneur? Nani, le Seigneur dit je suis Jésus qui est le Seigneur. Mon frère. Si tu calomnies un enfant de Dieu, tu calomnies Jésus. Si tu combats un enfant de Dieu, tu combats le Seigneur. Il dit, je suis Jésus qui est persécuté. Il dit, il te serait dur de chimber contre les aiguillons. Frère, Paul, avec sa connaissance, avec son, tout ce qu'il avait comme tactique, il est tombé la face contre lui. Il demanda au Seigneur. Ses yeux étaient fermés. Il ne voyait pas. Bien aimé. Et Paul était, il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Mais ça les concernait lui. Il est resté les yeux fermés. Ce jour-là, il est dans sa présence, dans Paul, Paulo, a changé le nom. De Saul, Paul. Paul. Ce jour-là, il est Paul. Paul, que je te fasse. Lève-toi. Si mama, entre dans la ville. Et on te dira ce que tu vas faire. Le Seigneur t'a parlé à Ananias. Dans une vision. Mouonyo. Il dit Ananias. Ananias, lève-toi. Si mama, va dans telle rue. Sur fulani, avenir, fulani, telle maison. Fulani, quand Dieu parle. Il parle avec des précisions. Ne faites pas attention à tous les faux prophéties qui se racontent. Dieu quand il parle avec tous les prophéties. Et dans notre âge, s'il n'y a pas un prophète, Dieu vous donnera un songe clair. Il dit, va dans cette ville, sur tel avenir, dans telle maison, tu trouveras un homme, son nom c'est Paul. Tu prieras pour lui, il recevra le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, Mungu, il est vrai, il est juste, oui, Dio, tout ce qu'il fait est correct. Il dit, va là-bas, tu prieras pour lui, et il va trouver la vie. C'est toute la présence de Paul. Il est au famille de Paul. Toute son hérédité là. Il est tombé par terre. Il est tombé face à la terre. Pourquoi? Il s'est reconnu pécheur dans sa présence. Dans on se reconnaît pécheur. On se reconnaît coupable. Et quand Ananias est arrivé, Ananias avait peur. Ananias avait peur. Il dit, vous parlez de qui? Cet homme, j'ai entendu parler de lui. Beaucoup de gens. Il dit où tous les fidèles. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand quelqu'un boit, il tire. Il commet adultère. Les gens le craignent. Vous parlez de tel frère. Attention. Son travail, c'est courtisé. Kazi yake ni kufuata wanawake. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà vu. Il était déjà en sa présence. Maintenant, le Seigneur a dit, non, pas. Cet homme est mon instrument. Ananias est arrivé là-bas. Ananias, j'ai beaucoup aimé les paroles d'Ananias. Mais quand il regarde Paul, dans le Seigneur, il dit, Saul, mon frère, dans le Seigneur, il n'y a que des frères et des sœurs. C'est Saul, mon frère. Dada, le Seigneur qui t'est apparu sur les chemins. Où le monde a connu quand il a prié pour toi. Quand il a prié pour toi, Saul, Paul, a reçu le Rome. Et le même Saul, na ule mutu mamoya, qui jouait le saint. On l'a entendu partout. Il rendait témoignage du Seigneur. Quand quelqu'un entre à sa wakati présence, mutu il doit changer. Il doit changer. Il est changé, frère. Il est devenu Paul. Anakuwa Paul. Il commençait à prêcher l'évangile avec force. Na il commençait à rendre témoignage de Christ. Christ. Quand vous entrez en sa présence, yake, tu dois changer. On a quand tu entres en sa présence, yake, il change même la mentalité. Ena badisha ata tabia. Paul était changé. Paul badilika. Pourquoi? Juani. Il était entré en sa présence. Tout celui qui entre en sa le présence, Dieu le transforme. Mungu anambadilishaka. Parce que dans sa présence, yake, il change. Inabadilisha. Dans sa présence, yake, bien aimé frères et sœurs, tout celui qui entre en sa présence, yake, comme Paul, Saba Paulo, comme notre frère Abraham. Abraham. Abraham. C'était un homme qui a marché avec Dieu pendant 25 ans. Il a marché pendant 25 ans. Notre père dans la foi. Quand il est entré dans sa présence, écoutez cela dans Exode. Le Seigneur est apparu à Abraham. Après qu'il ait servi Dieu pendant 25 ans, Dieu lui est apparu sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes là? Dans Exode. Exode. Abraham, c'est non, Exode, hein? C'est quoi? Exode, Abraham, notre père dans la foi. Oui, Genèse. C'est Genèse. Mouanzo. Plutôt c'est Genèse, merci. Genèse 17, prenons cela. Mouanzo, Abraham, Genèse 17, verset 1. C'est Genèse. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Okati Abraham a quoi 99 ans? L'Éternel a parlé à Abraham. Abraham est entré dans ta présence. Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et sois intègre. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Je te multiplierai à l'infini. Verset 3, écoutez. Père Abraham, notre père de la foi. Abraham tomba sur sa face. Abraham toute sa connaissance. Toute sa foi. Il est tombé par terre. Il s'est reconnu pécheur. Pourquoi? Il ne voulait pas regarder Dieu. Il était dans sa présence. C'est pourquoi mes frères, même dans l'église, tout homme qui vient à Dieu, tout celui qui entre en sa présence, il se reconnaît toujours pécheur. Quand tu viens dans l'église, il y a des gens, il a fait des années, mais Dieu ne l'a jamais utilisé. Pourquoi? Quand il vient en sa présence, il se voit toujours quelque chose. Il veut montrer son importance, même dans sa présence. Comment Dieu peut t'utiliser? Le Banam dit, dans sa prédication, la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Le Banam dit, même un grand homme peut être utilisé de Dieu. Mais s'il vient en sa présence, qu'il oublie qu'il est directeur, qu'il oublie qu'il est chef, si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois oublier ton rang. Tu dois oublier ta grandeur. Je vais vous lire quelque chose avant de vous libérer. C'est dans la prédication de Branham. L'influence. Je vous lis ça. À partir de ça, on va prendre demain. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 123. Paragraphe 123. Aujourd'hui, Léo, nous n'avons pas du tout du respect envers Dieu. Dans sa présence, les gens n'ont pas du respect. Oh frère, même si nous sommes frères, oui, Dio. Mais il y a des grandes personnes. Kubakubwa. Il y a des papas. Kubababu. Nous sommes frères. Tubanduku. Mais il y a des grandes personnes. Mais Kubakubwa. Il faut du respect. Na fai eshima. Hein? Vous n'allez pas dire amen aussi à ça. Amtasi amen à ikui. Oui. Dieu. Son frère. Tout bandou. Il y a des grands. Mais kuba kubwa, kuba toto. Tu n'as pas choisi miana. Aujourd'hui, Léo, nous n'avons pas du tout de respect envers Dieu. Tout le monde se sent en sécurité. Au point qu'il n'honore pas Dieu. C'est ce que je vous disais ici. Je dis que les gens témoignent du respect à leur chef au boulot. Quand ils écoutent des demandes d'emploi, c'est avec beaucoup de respect. Ils élèvent même les directeurs. Je viens auprès de votre haute personnalité. Mais quand ils parlent au Seigneur, il y en a même qui disent, ouais, Mungu, ouais, toi, Dieu. Hein? Ça même pas du respect. Et j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un peut être malade. Vous priez. Dieu, on ne l'exige pas. Mungu, mais Dieu, on le supplie. Mungu, parce que Dieu, Mungu, il est souverain. Yeko, il fait ce qu'il veut. Autant qu'il veut. Avec qui il veut. Na ula na penda. Hein? Dieu. Mungu. Oh, ouais, Mungu, ouais. Toi, Dieu. Si tu ne fais pas ça. J'avais vu dans une église dénominationnelle les gens en train de prier. Ils ont pris même des fouets en train de taper par terre. Je ne sais pas si c'est pour chasser Satan ou pas. Mais ça, c'est la folie. J'imagine. Ça, c'est la folie. J'imagine. C'est la folie. J'imagine. Même quand nous nous adressons au Seigneur, soyons respectueux. Mes frères et sœurs, ayons du respect. Frère Banam dit, Dieu, Mungu. Parce qu'il est Dieu, Mungu. Il existe du respect. Et qu'on a la zimisha et il existe ce respect là pour na, lui na et pour ses serviteurs. Na, kwa c'est ce que le Frère Banam dit. Il existe ce respect pour lui ana, lomba, et pour ses serviteurs. Ye, na yaki. Il existe ça pour lui et ana, pour ses serviteurs. Hein? Maintenant, écoutez. Ça, il dit, ansema, tout le monde est en insécurité au point qu'il n'honore pas Dieu. Comme il est de vrai. Pourquoi font-ils cela? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de sa présence. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons des frères qui fréquentent l'église tabernacle, qui prient, qui chantent, même à la chorale. Qui prêche même la parole. Mais quand il marche, il n'est pas conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Il oublie cela. Il fait n'importe quoi. Le problème, ce n'est pas avoir de longues jupes. Le problème, c'est d'être conscient de sa présence. Il faut être conscient de sa présence. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, ça ne suffit pas seulement de porter les longues jupes. Oui. Oui. Dieu. Il ne suffit pas seulement de prêcher. Prêcher, c'est une onction. Kubiri nous pas. C'est la pluie. Nivula. Et la pluie de Dieu. Descend dans les champs des mauvais. Et dans les champs des bons. Quand l'onction descend. Même un voleur peut parler en langue. La même pluie. Qui fait croître le maïs. C'est la même pluie. Qui fait croître aussi les mauvaises herbes. Pas changer cela. C'est la pluie. Elle ne choisit pas. Mais le problème, c'est la nature de la semence. Parce que la pluie ne change pas la nature de la semence. Ils ne sont pas conscients de sa présence. C'est pourquoi les gens font cela. Ils ne reconnaissent pas cela. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont dans la présence de Dieu. C'est là que nous avons un problème. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils agissent parce qu'ils se rendent pas compte. Même si tu es à ton bureau, même si tu es au champ, même si tu es au marché, sois conscient que tu es dans sa présence. Tous les bêtises que tu commets, tu les commets en sa présence. Tu les commets en sa présence. Il dit, les esprits deviennent si corrompus. Maintenant, je prends vite ça. Il dit, non seulement dans une église. Ici, les frères semblent voir que quand on est dans l'église, là, on est dans la présence de Dieu. Mais quand on est dans nos chambres, on n'est pas dans la présence de Dieu. Les prophètes disent ceci. Non seulement dans une église. Où que vous soyez, vous êtes dans sa présence. Même au champ. Attends, ma chambre. Même dans votre chambre. Attends, ma chambre. Même au bureau. Attends, mon office. Tout ce que tu fais là. Bilebio, tu es dans sa présence. Ou comme un piaki. Pour ce soir. Yo, que le Seigneur vous bénisse. Mungu embariki.